puis vous me faites chier, tiens, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais Antoine, dis-nous ce qui va pas, au lieu d'agresser tout le monde, hein? C'est vrai, ça, si tu nous parles comme ça, j'imagine que ça va particulièrement mal, dis-nous. Je n'en peux plus, je m'en vais. J'ai plus la foi, Sébastien. Je te rends mes parts, ton fils et moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais écrire des textes mensongers, infantiles, affligeant de bêtises, j'en ai marre. D'accord. Et qu'est-ce que je fais, moi, si tu pars? Prends un créatif plus jeune. Un vrai guerrier, un fanatique. Moi, je suis vieux, je suis usé, j'ai plus de jus, tout va bien. Je comprends pas. On était bien, ça a toujours roulé, là, d'un seul coup, tu... Écoute, pourquoi tu prends pas un mois de vacances? C'est peut-être ça qui te fout, la mer, le soleil. Tu me rachètes mes parts, vieux. Je m'en vais.